Section 15, chapitre 15. Ce fut le troisième jour seulement qu'on put partir pour Port-Navalo, et le vent était si bien tombé que la traversée dura 4 heures. Narbanton voulait laisser ses nouveaux amis rentrer seuls chez eux, mais sur les instances de M. de la Hérodière et de Charlotte, qui se joignit à son père, il consentit à aller passer 2 jours à la crique. Et pendant que Charlotte et son père montaient dans un mauvais petit cabriolet à 3 places, la seule voiture qu'on put trouver à Port-Navalo, il se mit en route à pied avec Georges. « Pourquoi donc t'es-tu tant fait prier pour venir à la crique ?» demanda celui-ci. « Est-ce que tu commences à en avoir assez des discours scientifiques de mon oncle ?»« Mais pas du tout. J'éprouve pour ton oncle la plus vive sympathie. Et ses discours, comme tu dis, sont pour moi pleins d'intérêt. Il y a longtemps que je n'avais eu des journées aussi bien remplies et aussi agréables que celles que nous venons de passer à Belle-Île. « Alors, pourquoi ne veux-tu pas les continuer ?»« Parce que... »« Eh bien, faut-il être franc ?»« Mais sans doute, parce que j'ai peur de vous gêner. » »« Nous gêner ? Qui ?»« Toi, d'abord, mademoiselle Charlotte, ensuite. »« Ou si tu aimes mieux, mademoiselle Charlotte, d'abord, et toi, ensuite. »« Enfin, vous deux. » Georges regarda longuement son ami et resta un moment sans répondre. « Ce qui signifie, dit-il enfin, ce qui signifie que si tu es en Bretagne pour faire la cour à ta cousine, je ne veux pas vous gêner en me mettant entière entre vous. Et où as-tu vu que je faisais la cour à ma cousine ? Cela, je ne l'ai pas vu précisément, car je ne suis pas grand observateur, et du premier coup d'œil, je ne devine pas si les gens s'aiment ou ne s'aiment pas. Il faut pour cela des qualités ou des défauts qui me manquent absolument. Je n'écoute pas aux portes, je n'épie pas ceux avec qui j'ai le plaisir de me trouver. Enfin, je ne classe pas dans ma tête une foule de petites remarques qui, cataloguées et additionnées, donnent une conclusion. Ces remarques, je ne les ai donc pas faites, soit parce qu'il n'y avait pas lieu de les faire, soit parce que j'étais incapable de les saisir. Seulement, vous voyant ensemble, ta cousine et toi, et vous trouvant si bien fait l'un pour l'autre, je me suis imaginé qu'il devait y avoir entre vous un projet de mariage. Alors, je n'ai pas voulu être importun, et me trouvant là où je n'avais que faire. Une fois encore, Georges réfléchit un moment avant de répondre. « Ainsi, dit-il à la fin, tu trouverais naturel que j'épousasse Charlotte. »« Oui et non. » »« La réponse est bizarre et je ne la comprends guère. »« Je veux dire que si je regarde ta cousine, qui est une délicieuse jeune fille, simple, douce, gaie de caractère et pleine de cœur, si je considère sa grâce, qui est ravissante, sa beauté, qui a quelque chose de poétique, je trouve tout naturel que tu la veuilles épouser. Son père me paraît le meilleur des hommes et a toutes les qualités que je lui reconnais. Il joint celle d'être veuf, c'est-à-dire qu'on n'a pas de belle-mère à redouter. Enfin, les avantages matériels, à s'en tenir aux apparences, sont convenables. Voilà donc une foule de raisons qui semblent appuyer ton mariage. Et celle qui l'empêche ? Pour celle-là, mon ami, j'aimerais autant n'en pas parler, car elles viennent de toi. Et le sujet est délicat. Ton amitié ne va pas jusqu'à la franchise ? La tienne, en ce moment, va jusqu'à l'injustice. Quand la franchise peut produire un utile résultat, je crois qu'entre amis, on doit l'employer, coûte que coûte. En parlant, on accomplit un devoir envers son ami et envers soi-même. Mais quand, avant de parler, on est certain que les avertissements ou les prières ne changeront rien à ce qui existe, je crois que le mieux est de se taire. Je te serais reconnaissant de quitter ce langage peu clair et de me dire tout simplement avec le mot cru pourquoi tu penses que je ne dois pas épouser Charlotte. S'il y a en moi quelque vice caché qui s'oppose à ce que je devienne le mari d'une femme que tu qualifies de charmante, c'est m'obliger que de me le faire connaître. Alors même que je ne devrais pas m'en corriger, ce qui me paraît résulter de ton apologue sur la franchise, je serais au moins averti de mon infirmité et cela me rendrait circonspect dans l'avenir. Il est fort désagréable, quand on demande la main d'une jeune fille, de s'entendre répondre qu'on vous la refuse parce qu'on vous juge impropre au mariage. Georges avait débité cette réplique d'un ton pincé. « Tu vois les effets de la franchise, » dit Narbanton en souriant. « Voilà déjà qu'elle opère. Première période, la personne à qui l'on parle et de qui l'on parle est vexée. « Ce sont tes réticences qui me vexent, ce n'est pas ta franchise. Allons, va. »« Va, va. » On voit bien que tu es avocat et que chez toi, il n'y a qu'à tourner un robinet. Moi, je suis obligé de réfléchir avant de parler. C'est lent, mais d'un autre côté, ça permet de savoir à peu près ce qu'on dit. Il n'y a pas besoin de réfléchir pour dire quelle infirmité tu trouves en moi. Un mot suffit, son nom. » Mais pas du tout, car cette infirmité est de telle nature que si tu te décidais à vouloir te marier, elle cesserait aussitôt, et dès lors personne ne te reprocherait d'être impropre au mariage. Autrement dit, ce qui m'empêche de trouver tout naturel ton mariage avec ta cousine, c'est que je ne peux pas croire que tu songes sérieusement à te marier. Ça n'est vraiment pas trop mal raisonné. Tu sais, nous autres paysans, nous marchons d'un pas lourd. Mais comme nous ne nous arrêtons pas, allant toujours sans nous écarter de notre chemin, nous finissons par arriver. D'un côté, je trouve ta cousine adorable, et je me dis que puisque tu vis près d'elle, puisque tu as des yeux pour voir, un esprit pour comprendre, et en plus ta jeunesse, tu ne peux pas ne pas l'aimer. Et l'aimant, tu ne peux pas ne pas désirer l'épouser. C'est ainsi au moins que les choses marcheraient entre deux personnes naturelles. Alors, nous ne sommes pas des personnes naturelles. Ta cousine, si, tout à fait naturelle. On peut même dire que c'est la nature vierge avec tout ce que ce mot comporte de charme. Mais toi, toi, une personne naturelle, ah non! Et voilà comment, d'un autre côté, je me dis que tu ne dois pas aimer ta cousine et qu'en tout cas, tu ne peux pas vouloir l'épouser. C'est donc là mon infirmité. Précisément, et comme je ne me flattais pas de l'espérance de pouvoir changer ton tempérament en ce qui touche l'amour ou tes idées à l'égard du mariage, je me dispensais de te parler de mes réflexions. Tu as forcé mon silence et je me suis exécuté. Pardonne-moi ma franchise, car maintenant, n'est-ce pas, tu ne me reprocheras plus mes réticences. Non, seulement je te reprocherai de mal me juger. Ah, pour cela, je crois te bien connaître, et depuis longtemps, mon opinion est faite à ce sujet. Cela remonte à notre temps d'école. Nous avions 23 ans. Tous les jours, tu me quittais à 5h30 précises, et nous nous retrouvions à 6h juste. Où allais-tu pendant cette demi-heure? Comme tu as toujours été assez secret, je ne t'interrogeais jamais. Cependant, je remarquais que quand je te conduisais pour achever une conversation commencée, tu m'emmenais toujours dans le même quartier. « Rue de Vaugirard !» dit Georges en riant. « Rue de Vaugirard !» Arrivé devant une maison, toujours la même, tu me quittais le bras et tu me plantais là, dans la rue. Un jour, passant devant cette maison à 6h-5, je te vis sortir. En même temps, une jeune femme se pencha à une fenêtre du 4e étage, il n'y en avait pas plus, et te fit un signe de la main auquel tu répondis faiblement. À 3 mois de là, passant de nouveau rue de Vaugirard à 6h-5, je te vis encore sortir de la même maison. La jeune femme se pencha encore par la fenêtre. Et à son signe, tu répondis encore comme je t'avais déjà vu le faire une fois. Il n'y avait plus de doute possible. Cette jeune femme était ta maîtresse, et c'était chez elle que tu allais chaque jour, de 5h30 à 6h-5. Ce jour-là, je fus fixé sur ton compte. L'homme de 23 ans qui prend 25 minutes sur sa vie pour les donner à l'amour, jamais plus, jamais moins, régulièrement, quotidiennement, sans avancer le moment de son arrivée ou sans retarder celui de son départ, cet homme-là sera toujours à l'abri de la passion et de ses entraînements. Il pourra avoir une maîtresse, il n'aimera jamais. Permets. Vas-tu vouloir me prouver que tu aimais la jeune femme de la rue de Vaugirard? La chose serait curieuse. Tu parles de l'amour en homme qui n'a rien autre chose à faire dans la vie que d'aimer. Voilà précisément ce que je veux dire. Tu avais autre chose à faire. Et le sentiment, le besoin, le mobile, enfin assez difficile à nommer, qui t'amenait rue de Vaugirard, était si peu exigeant que tu le faisais passer après tes occupations ordinaires. Tu vois bien que tu confirmes mon jugement. Ne tâche pas de me prouver que c'était de l'amour, car tu me prouverais, en fin de compte, que si tu es incapable de sentir la passion, ce que je crois, tu es de plus incapable de la comprendre, ce que je ne veux pas croire. Riches, pauvres, jeunes, vieux, bons, méchants, tous, tant que nous sommes, nous n'avons qu'un maître le jour où nous aimons. Et ce maître, c'est la passion. Voilà pourquoi, revenant à mon point de départ, dont je ne me suis pas écarté, comme tu pourrais le croire, je conclus que tu ne peux pas épouser ta cousine. Une femme dans ta vie occupée, qu'en ferais-tu? Et elle, la pauvre malheureuse, que deviendrait-elle? Ainsi, dit Georges, sans paraître fâché de ce jugement, ta conclusion est double. D'un côté, je dois aimer Charlotte, d'un autre, je ne peux pas l'aimer. C'est-à-dire que voici le problème. Étant donné une jeune fille douée de toutes les séductions qui rayonnent de mademoiselle Charlotte, tu dois l'aimer. Mais d'autre part, étant donné l'animal réfractaire que tu es, tu peux ne pas t'être laissé échauffer par ce rayonnement qui eût enflammé un autre que toi. « Oh oh !» dit Georges en regardant longuement son ami. « Note bien, mon ami, que je ne veux pas forcer tes confidences et que je n'ai pas mis la conversation sur ce sujet. Non seulement tu as manœuvré de telle sorte que si je te dis de partir, tu devras conclure que j'aime ma cousine et que si au contraire je te dis de rester, que je ne l'aime pas. C'est assez adroit pour un paysan. Mais je ne t'en veux pas, et la preuve, c'est que je vais t'expliquer ma situation. Elle est délicate, cette situation, difficile, et j'ai dans l'idée que peut-être tu m'aideras à en sortir, à mon honneur, et même à la plus grande satisfaction de tout le monde. » Fin de la section 15.